بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة القراءة والتعليق في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله في باب ما جاء في المتحابين في الله. On va continuer, chers frères, à lire. On va continuer, chers frères, la lecture et le commentaire des hadiths que l'imam Malik rahimahullah a cité dans son livre El Muwatta, le chapitre concernant les textes liés à ceux qui s'aiment en Allah. On a vu hier les deux premiers hadiths qu'il a cités dans ce chapitre, et ensuite il nous cite donc le troisième hadith avec la chaîne de transmission qui va jusqu'à Abu Hurayra radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وَإِذَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ الْعَبْدَ وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ قَالَ مَالِكِ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكِ. Et donc selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah aime un serviteur, il dit à Jibril: certes, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime, puis Jibril s'adresse aux habitants du ciel et leur dit: certes, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et c'est alors que les gens du ciel vont l'aimer, puis il sera accordé à cette personne l'acceptation sur terre. Et ensuite, et lorsqu'Allah déteste un serviteur, et là l'imam Malik rahimahullah, il dit: je pense que concernant le fait de détester, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. C'est-à-dire que précédemment, concernant le fait d'aimer, il a dit: j'aime un tel, alors aime-le. Et donc concernant le fait de détester, je déteste un tel, alors déteste-le. Et ensuite, le Jibril qui va voir les habitants du ciel pour leur dire: certes, Allah déteste un tel, alors détestez-le. Et là, les gens qui vont le détester. Et ensuite, donc, le fait de le détester sera donc répandu sur la terre. Et ceci, cette narration, donc le fait de détester un serviteur, le fait que Allah déteste un serviteur, cette narration, elle a été citée dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Ce hadith, donc, il est dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari et Muslim. Wa fihi ithbatu sifatil mahabbati lillah. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut d'amour pour Allah, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Wa hadhihi sifa sifatun 'azimatun jiddan. Et cette caractéristique, cet attribut est un attribut grandiose. فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ أُمُورٌ نَافِعَةٌ لِلْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Car certes, cette caractéristique, cet attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala va entraîner pour le serviteur des conséquences louables et grandioses ici-bas et dans l'au-delà. Exemple, un hadith très important. D'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah, d'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a décrit ce hadith comme étant une base. Une base dans quoi? Une base dans l'alliance. L'alliance, le fait d'aimer et de secourir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans un hadith Qudsi: Man aada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb. Celui qui a de l'animosité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Commence par ce qu'Allah t'a rendu obligatoire. Ensuite, il dit, tabaraka wa ta'ala, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par l'accomplissement des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quelles sont les conséquences ? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِي وَيَدَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ وَإِذَا اسْتَعَاذَ لِي Et donc, il dit, tabaraka wa ta'ala, les conséquences de cet amour. Alors, lorsque je l'aime, je suis ses yeux avec lesquels il voit, son ouïe avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il saisit. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il préserve tes membres. Il te préserve de tomber dans ce qui est un mal pour toi, dans le péché. Il te préserve du fait d'écouter ce qui est nuisible pour toi, de regarder ce qui est nuisible pour toi, de saisir ce qui est nuisible pour toi. Il te protège. وَإِذَا سَأَلَنِي. Et s'il me demande, alors je lui accorde ce qu'il me demande. Et s'il implore ma protection, il veut se réfugier auprès de moi, alors je lui accorde. Subhanallah. Quelles conséquences grandioses du fait que Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur. Et donc, lorsqu'on entend ça, la chaque ayyuhal ikhwa, on a envie qu'Allah nous aime. On veut qu'Allah nous aime. Rappelez-vous le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Le u'atiyanna al-ghayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à ses compagnons, demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais que Allah et son messager, ils l'aiment. Ils ont fait quoi les compagnons? Ils sont allés dormir. Ils ont passé la nuit à essayer de savoir à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner l'étendard. Qui est celui qui aura cet étendard que Allah tabaraka wa ta'ala et son messager, ils aiment? Et c'est comme ça qu'on doit être. On veut qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous aime. Taïb, on ne peut pas prendre l'étendard. On ne peut pas le prendre. Ok. On va faire quoi? Il y a des causes. Il y a des causes qui font qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, aime son serviteur. Parmi ces causes, il y a la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez qui? Suivez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, Allah vous aimera. Il vous aimera et vous pardonnera vos péchés, subhanallah. Comment est-ce qu'on peut entendre cela et ensuite ne pas faire les causes pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Et donc on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux qu'Allah t'aime? Suis le prophète. Suis le prophète. Ne lâche pas la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quiconque. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui, il y a d'autres causes. Il y a beaucoup dans le Coran et la Sunna. Dans le hadith qu'on vient de voir, وَلَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, le fait d'accomplir des actes surérogatoires, le fait d'accomplir déjà tes obligations, et ensuite tu rajoutes des actes surérogatoires, es-salat, es-siyam, tu peux jeûner en dehors de Ramadan, es-sadaqat, tu peux donner des aumônes, en-yab-tassim, le fait de sourire pour ton frère, tu vas faire des actes surérogatoires, le fait d'apprendre ta religion. Dans le fait d'apprendre sa religion, il y a des sujets obligatoires, des sujets qui ne sont pas obligatoires. Et donc tu fais tout ce que tu peux pour enrichir tes bonnes actions. Et c'est ainsi que tu vas donc te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'il t'aime. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi dans son livre « Inna allaha yuhibbul muhsinin » Certes, Allah aime les bienfaisants. Les bienfaisants, al-muhsin, Ce terme englobe wa huwa shamilun liman qama bi martabati al-ihsan, celui qui est donc qui a respecté le degré de l'ihsan. Ay annahu ya'budu Allah ka'annahu yara. C'est-à-dire celui qui adore Allah comme s'il le voit. Fa in lam yakun yarahu fa innahu yarak. Et donc si ce serviteur il ne voit pas Allah, alors il sait que Allah il le voit. Et donc comment tu appliques ça au serviteur d'Allah? Lorsque tu es tout seul chez toi et que tu vas prier, est-ce que tu vas accomplir ta salat en prenant ton temps comme tu fais quand tu es à la mosquée? Ou est-ce que lorsque tu es tout seul à la maison, c'est pas grave, malice, il n'y a personne qui me voit, yallah, bismillah, en deux-deux, on a fini la prière? Non. Et donc, peu importe le fait qu'il y ait des gens ou qu'il n'y ait pas des gens, peu importe, le plus important, c'est que je sais que Allah, lui, il me voit. Et donc, je sais que je dois faire très attention à ça. Et ça, on doit l'enseigner à nos enfants, c'est important. Parce que les enfants, ils ont du mal à comprendre certains points. Quel point? C'est-à-dire qu'on leur dit, faites attention à la salade, faites attention si, etc., etc. Les parents sont là, alhamdoulilah, tout est bien fait. Les parents ne sont pas là. Ah, c'est lui qui a mal fait. Ah non, lui, il n'a pas bien fait. Ah, non, non, non. Ah, ok, d'accord. Et donc, il faut apprendre aux enfants qu'ils ne doivent pas faire leurs actes d'adoration pour nous, les parents. Mais ils doivent être des muhsinoun. Lorsqu'ils accomplissent leurs actes d'adoration, ils doivent savoir que Allah tabaraka wa ta'ala les voit. Et donc, ils ont peur de mal faire leurs actes d'adoration. Et donc, ils vont faire en sorte qu'Allah tabaraka wa ta'ala les voit dans l'obéissance. Et donc, ça, c'est important. On doit l'enseigner à nos enfants. Mais il faut déjà qu'on l'applique nous-mêmes. Il faut déjà qu'on l'applique nous-mêmes. Et le terme muhsin aussi, huwa muta'alliqun kadhalika biman ahsana ila al-khalqi. C'est un terme qui est aussi lié à celui qui est bienfaisant envers les créatures d'Allah. فَيُعْتِيهِ مَا يَسْتَطِيعُ. Il va leur donner ce qu'il peut. De son argent, مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ وَقْتِهِ, de son temps, etc., etc. Ça aussi, c'est un muhsin. Et donc ça aussi, c'est une cause qui fait que le serviteur peut atteindre ce degré. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala l'aime. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. On ne doit pas être orgueilleux, barakallahu fikum. كُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَّى. Tous les serviteurs d'Allah pêchent. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Allah aime ses serviteurs qui se repentent. Parfois, certains peuvent tomber dans de grands péchés. De grands péchés tel que Al-Qadf, le fait de taxer un musulman injustement de fornication et que cela soit propagé sur terre. Mais c'est trop difficile de revenir. Trop difficile. Ça s'appelle Al-Kibr, l'orgueil. L'orgueil. C'est pour ça qu'il dit, Mulqayyim rahimahullah, Kun ke Adam, wa la takun ke shaytan. Sois comme Adam et ne sois pas comme shaytan. Pourquoi? Les deux ont péché. Adam a péché, Shaitan a péché. Adam, lorsque donc il a accompli son péché, il a reconnu son péché. Fatab il Allah, il s'est repenti. Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné. Shaitan, non. Il s'est empli d'orgueil. Il a refusé de se repentir. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Fakun ka Adam wa la takun ka Shaitan. Alors sois comme Adam et ne sois pas comme le diable. Nous devons apprendre cela, aimer, nous repentir de nos péchés et de nos fautes. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Certes, Allah aime les muttaqoun, ceux qui sont pieux. C'est quoi taqwa? Masha'Allah, masha'Allah. Et donc, le fait d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'œuvrer avec cette crainte, hein? Le fait de délaisser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et d'accomplir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. Celui qui a en lui la taqwa va faire ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Et il va délaisser ce qu'Allah lui a interdit de faire. C'est ça être taqwa, en résumé. Et donc il est important, tu veux qu'Allah t'aime, alors sois taqi. Il faut que nous soyons taqi, que nous ayons en nous la taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi Wallahu yuhibbu sabirin. Ah. Et Allah, il aime les endurants. Ça, c'est difficile, ça. Ça, c'est difficile. Un exemple d'endurance. Ibn Omar, radiallahu anhuma, il a assisté à une assise, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur disait « Siyati rajulun, wa huwa min ahlil jannah. » Un homme viendra et il fait partie des gens du paradis. Et donc les compagnons, ils ont vu cet homme arriver. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, même chose. Ibn Omar, il a fait quoi? Il est allé voir cet homme. Il lui a dit, tu sais, j'ai quelques soucis, quelques problèmes entre moi et mon père. Et je ne veux pas dormir là-bas. Est-ce que je peux dormir chez toi? Alors l'homme lui a dit oui, non. Ibn Omar a surveillé cet homme pour voir qu'est-ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a pour faire partie des gens du paradis. Et il n'a rien vu de spécial. Il n'a rien vu de spécial. Sauf que lorsqu'il se réveille, il se tourne, il fait des invocations. Il n'a rien vu de spécial. Alors Ibn Omar est venu le voir et lui a dit, en fait, tu sais, il s'est passé ça, ça, ça, ça, ça. Le prophète, il a dit ça 3 fois d'affilée. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as? Et donc, en fait, pendant 3 jours, je t'ai surveillé, mais je n'ai rien vu de spécial. Dis-moi, qu'est-ce que tu as qui fait que tu fais partie des gens du paradis? Alors l'homme lui a dit, « Hua mera eit, c'est ce que tu as vu, j'ai rien de plus que ça. »« Ma indi akthara min dhalik, j'ai rien de plus que ça. » Alors Ibn Omar qui s'en allait. Et ensuite l'homme qui l'a interpellé. « Attends, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je n'ai aucune rancœur dans mon cœur contre aucun croyant. Aucune dans mon cœur. » Ibn Omar lui a dit, « Hadi. » C'est celle-ci qui est difficile. Est sobre le fait de patienter lorsque les gens te font des injustices. Nous, une personne nous fait une petite injustice, un regard. Ah, il m'a mal regardé. Un regard, il t'a même pas encore parlé. Un regard. Presque on va partir en bataille dans la mosquée. Ah, il a mal parlé sur moi. Ah, le pire. Ah, s'il a parlé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les frères, il faut qu'on apprenne à patienter. Est-ce qu'il y a parmi nous une personne qui ne fait pas de péché? Il n'y en a pas, on fait tous des péchés. C'est tombé sur toi, ton frère, il t'a fait une injustice. Apprends à pardonner. Est-ce que les compagnons, ils n'ont pas eu ce genre de problème? C'est arrivé un conflit entre Abou Bakr et Omar, les deux meilleurs de la communauté. Les deux meilleurs de la communauté, entre Abou Bakr et Omar. Et c'est Abou Bakr qui avait mal parlé à Omar. Alors Omar s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait à Abou Bakr? Il est allé directement voir Omar pour s'excuser. Il est allé chez lui. Mais Omar ne voulait pas excuser. Alors il a fait quoi Abou Bakr? Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ne se sentait pas bien à cause de ça. Hein? C'est pas comme nous où je vais boycotter à vie, ça et c'est terminé. Non, il ne se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu que Abou Bakr l'avait précédé. Et Abou Bakr avait dit au prophète, « Ô messager d'Allah, certes j'ai fait ceci, cela, et Omar ne veut pas me pardonner. » Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Elestum tariku li sahibi. » N'allez-vous pas me laisser mon compagnon. Et ça, ça montre les mérites de Abou Bakr radiallahu anhu. Et les mérites de ces deux compagnons, qui au final, malgré le conflit, ils ont fait en sorte de résoudre ce problème. Patienter l'un sur l'autre. On doit apprendre à faire cela. Naam. On a l'habitude de voir les différents types de patience et d'endurance. Es-sabru ala ta'atillah, le fait de patienter dans l'obéissance à Allah. Was-sabru an ma'siyatillah, le fait de patienter en délaissant la désobéissance à Allah. C'est pas facile ça non plus. C'est pas facile, tu habites en France, il y a des péchés partout. Il faut que tu endures pour délaisser les péchés et que tu patientes jusqu'à la mort. Parfois, certains ils se convertissent ou alors certains ils découvrent la sunna. Au début, masha'Allah, on a la motivation, on a la niaque. Ils assistent à tous les cours, ils sont là, masha'Allah, les sunan, on est présent, on est ferme, on est fort. Mais on n'a pas de sobre. On n'a pas de sobre, on n'a pas d'endurance, de patience. Avec le temps, ça faiblit. Il y y a de moins en moins de sunan, de plus en plus de péchés. Après ça, on s'attaque aux obligations, il y a de moins en moins d'obligations, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et ça, en réalité, barakallahu fikoum, les peuples précédents l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Allah tabaraka wa ta'ala a cité concernant les peuples précédents. Ahl al-kitab, fatala alayhimul amad. Alors la période a été trop longue pour eux. Au début, ils étaient bien, mais ça a été trop long pour eux. Alors ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas été endurants. Et donc il faut qu'on apprenne, aux chers frères, à être endurants dans nos actes d'adoration, dans le fait de délaisser les péchés et dans le fait de patienter sur ce qui peut nous arriver. Ça fait partie du destin. Patienter dans les conflits. Et le fait de faire partie des endurants, comme on le voit, fait partie des causes qui font que Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur. Et qu'Allah fasse les éloges de son serviteur. Fabashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Alladhina idha asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux que lorsqu'il y a un mal qui les touche, ils disent certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ça veut dire dans tous les cas on lui appartient, il fait ce qu'il veut de nous. Ce mal qui nous a touchés, il fait ce qu'il veut de nous, tabaraka wa ta'ala. Mais nous devons patienter et nous allons retourner vers lui et nous serons jugés sur cela. Avons-nous patienté ou pas? Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma. Alors ceux-là, ils ont des éloges venant de leur Seigneur ainsi qu'une miséricorde. Subhanallah. Et donc nous devons nous efforcer, ô chers frères, à faire partie des endurants. Il y a aussi parmi les caractéristiques qui font que le serviteur atteint l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui mettent leur confiance en Allah. Comme je le dis souvent, et souvent je cite cet exemple, pour ceux qui ont l'habitude, nous ici, on nous a trop appris à mettre notre confiance en la carte vitale. C'est vrai. C'est pour ça que quand on te dit « Ah, va dans un pays musulman, si, regarde tes enfants, ils peuvent grandir, là-bas, il y a ci, là-bas, il y a ça, vas-y !»« Ah, frère, si je tombe malade, ça va coûter cher. » Mais quoi, ton Seigneur ici, c'est pas le même qui est là-bas? Et donc, on a du mal à faire confiance. Et donc, on doit placer notre confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est une cause qui fait que Allah, il aime son serviteur. On a aussi le fait d'être juste. Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit à son serviteur, qui dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa in hakamta fahkum baynahum bil qist. Et si tu juges d'entre eux, alors juge d'entre eux avec justice. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Certes, Allah aime les muqsitin. C'est quoi muqsit? Al-adl. Mais j'ai un problème ici. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous cite la parole des djinns. Les djinns qui disent wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Il y a parmi nous les musulmans et parmi nous les qasitun. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Ceux qui se sont soumis, ceux qui sont musulmans, ceux qui se sont soumis à Allah, alors ceux-là, ce sont ceux qui ont recherché la vérité, qui ont recherché la guidée. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. En ce qui concerne les qasitounes, alors ceux-là sont le combustible de l'enfer. Taïb, comment on fait? Qasit, muqsit. Al-Shankati, rahimahullah, il aborde ce sujet et il nous dit les deux mots, muqsit et qasit, sont deux mots qui se ressemblent et qui ont la même base, la lettre kaf, la lettre sin et la lettre ta. Mais les mots ne sont pas pareils, mais ils se ressemblent. Par contre, ce sont deux contraires. Al-muqsit, al-adl, celui qui est juste. Al-qasit, celui qui est injuste, à ne pas confondre. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous pousse à adopter la justice, le fait d'être droit, d'être juste avec les gens. Tu ne peux pas être injuste dans ta parole, avoir des accusations injustes envers tes frères, être injuste envers tes parents, tes frères, tes sœurs. Il faut que tu sois juste. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Waïda kultum fa'dilou » et lorsque vous parlez, alors soyez juste. On ne peut pas se permettre de parler comme ça sur les gens, c'est facile. Il faut faire attention, parce que si tu parles, tu seras interrogé. Alors fais attention que lorsque tu parles, tu as avec toi un argument solide devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, il y a énormément de preuves dans le Coran, barakallahu fikoum, qui nous montrent qu'il y a des actes qui nous permettent de parvenir à ce degré, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aime. Dans Sahihayn, an Aisha radiallahu anha, annahu marra rahtun min al-yahoud, fekalu assamu alaykum. Dans Sahihayn, selon Aisha radiallahu anha, qu'il y a un groupe de juifs qui sont passés, et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à Aisha, que la mort soit sur vous. Alors Aisha radiallahu anha, qui a entendu ça, elle a dit, et vous, que vous ayez la mort et la malédiction. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mahlan ya Aisha, doucement, ô Aisha, doucement, ya Aisha, inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Certes, Allah aime la douceur dans toute chose. Et donc, Allah, il aime la douceur dans toute chose. Et donc, il faut qu'on apprenne à être doux. Tu arrives à la mosquée, tu es là, parfois, tu vois des frères, ils ont un visage serré. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. Il faut qu'on apprenne à faire preuve de douceur. Tu veux conseiller ton frère? Vas-y avec douceur. Taïeb, barakallahu fikoum. Mais il y a aussi des textes qui montrent que parfois, la dureté est louable. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son prophète, « Warlouz alayhim » et sois dur envers eux. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été dur, comme par exemple avec Ahlul Bida', avec les Khawarij, lorsqu'il a parlé des Khawarij, il a été dur. Et donc il y a des moments où il faut être doux, des moments où il faut être dur. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce hadith alors? As-Sa'di rahimahullah, il cite une faïda très importante qu'il faut qu'on s'entraîne à appliquer. Quelle est cette faïda? C'est que la base dans toute chose, c'est la douceur. Tu commences en douceur. Si la personne ne comprend pas, et si tu vois que la seule chose qui peut lui être utile, c'est la dureté, alors à ce moment-là, la dureté. Mais ne commence pas avec la dureté. Commence avec la douceur. La base, c'est la douceur. Exemple. Regardez Pharaon, tout ce qu'il a fait. Pharaon, tout ce qu'il a fait à Bénou Israël. Il tuait les petits garçons et laissait les filles vivantes pour affaiblir leur peuple et les laisser en esclavage. Malgré tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa et Haroun et leur a dit « Wakoula lahu qawlan layyina » et parlez-lui de façon douce. Après tout ça, après tout ce qu'il a fait, oui. Sa'di rahimahullah, il dit « Allah tabaraka wa ta'ala a commencé avec Pharaon, avec la douceur. » Et lorsque Pharaon n'a pas accepté, alors là, la dureté. Et donc, on doit apprendre ça. Tu vois ton frère qui se trompe. Ton frère fait quelque chose, il se trompe par rapport à son acte d'adoration ou autre, un mauvais comportement. Ça ne sert à rien d'aller le voir et de crier sur ton frère. Vas-y doucement, afin qu'il comprenne. L'objectif, il nous dit, Cheikh Abdul al-Bukhari, lorsque tu conseilles quelqu'un, quel est l'objectif du conseil? L'objectif du conseil, c'est que la personne revienne. C'est pas que toi tu aies raison, que tu sois au-dessus de ton frère et que tu l'écrases. C'est pas ce qui est voulu. L'objectif du conseil, c'est qu'il revienne. Et donc, il est important de commencer avec la douceur pour que ton frère t'écoute. Et donc, ça, c'est important. Barakallahu fikoum. La douceur fait partie des caractères qui font qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime son serviteur. Akhraj muslimun fi sahihihi an Sa'd ibn Abi Waqqas. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. Certes, Allah تبارك وتعالى aime le serviteur. Donc déjà, il affirme, il admet et accepte qu'il est un serviteur. Allah tabaraka wa ta'ala aime le serviteur qui est pieux, taqi, celui qui va faire ce qu'on lui a ordonné et délaisser ce qu'on lui a interdit. Al-Ghani. C'est quoi Al-Ghani? Le riche? Ça veut dire qu'Allah n'aime pas le pauvre? Masha'Allah, barakallahu fik. Al-Ghani ici c'est Ghina al-Nafs. Ghina al-Nafs c'est celui qui se suffit de ce qu'Allah lui a donné. Et il ne va pas courir après l'argent parce qu'il se suffit de ce qu'Allah lui a donné. Et c'est comme s'il est riche. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala aime le serviteur qui est pieux et qui se suffit de ce qu'il lui a accordé et qui est khafi. Khafi, furtif. On ne le voit pas. Il est là, mais on ne sait pas qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'occupe pas des affaires des autres. Il ne s'occupe pas des affaires des autres. Il s'occupe de lui. Wabi ashralihi. De ce qui le concerne, de ses actes d'adoration. Et ça, c'est important, barakallahu fikoum. Mais il faut bien comprendre que parfois, il faut que tu t'occupes des affaires des autres. Parce que parfois, il t'est obligatoire, par exemple, de réconcilier deux personnes. Et donc, il faut que tu t'en occupes. Parfois, il t'est obligatoire de témoigner. Et donc, il faut que tu t'en occupes. Parfois, il t'est obligatoire de prêcher. Et donc, il faut que tu t'en occupes, etc. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a des situations, comme lorsque les gens sont dans des conflits futiles, ça ne sert à rien de te mêler. Ah, lequel d'entre nous a raison? Ah si, barakallahu fikoum les frères, occupez-vous de ce qui vous est profitable. Et donc lui, il est khafi. Il ne va pas chercher à s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Et ça, c'est important qu'il faut, et c'est important de le comprendre, les frères, barakallahu fikoum. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala aime cela. أخرج الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب سمح العبد سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala aime le serviteur. Et il dit d'ailleurs dans Sahih al-Bukhari aussi, mais là c'est pas Allah aime, mais c'est qu'Allah fasse miséricorde. Et donc Allah aime le serviteur. Samha al-bay' wa shara, c'est celui qui facilite. Il est généreux lorsqu'il achète et lorsqu'il vend. Il va vendre quelque chose, un client va lui proposer un prix, il sait très bien qu'il n'aura pas récupéré tout son droit. Mais il va faciliter. Il facilite à ce client. Ou alors lui, il est client. Il va faciliter à l'acheteur, au vendeur, excusez-moi. Ou alors, une personne lui doit de l'argent. Il va faciliter à cette personne. C'est-à-dire, il ne va pas aller voir la personne. Ah, tu me dois. Ah, c'est quand tu mens. Ah, frère, c'est quand. Frère, mon argent. Etc, etc, etc. Samh al-qada. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit abuser de ça. Ça, c'est un problème à notre époque. Il y en a qui abusent de ça. Ils voient que certains frères, ils veulent faciliter leurs frères. Ils ne vont pas faire en sorte que tu stresses parce que tu n'arrives pas à le rembourser. Et donc, ils te laissent. Mais certains abusent de ça et ne vont même pas chercher à faire les causes pour rembourser leurs dettes. Et donc il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum les frères, à ces caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Wa fi hadha al-hadith ithbat sifat al-kalam. Il y a aussi dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut de la parole, le fait que Allah parle. Ça on l'a déjà vu. Wa kadhalika fi qawlihi fa yuhibbu ahlu as-samaa. Alors les gens du ciel aiment cette personne. Donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime une personne, il dit, oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. Ensuite Jibril va voir les habitants du ciel. Certes, Allah aime un tel, alors aimez-le. Alors les gens du ciel, ils vont aimer cette personne. Fihi tasliyatun liman yakumu bihadhihi al-a'mal allati yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a en cela le fait de rassurer et d'apaiser celui qui va accomplir ces actes qu'on a vus précédemment. Ces actes que Allah tabaraka wa ta'ala, il aime. Mais il va voir que les gens autour de lui, ils le contredisent dans cela. Ils vont même le délaisser ou se moquer de lui ou l'insulter ou autre. Parce qu'il fait ce que Allah aime. Alors, on dit à ce frère, sois apaisé. Sois apaisé, peu importe le nombre de personnes qui te contredisent. Peu importe le nombre de personnes qui s'opposent à toi. Tant que tu fais ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime, Sache que Allah tabaraka wa ta'ala dans le ciel, lorsqu'il aime son serviteur, il appelle les habitants du ciel à aimer son serviteur. Peu importe si les gens de la terre, ils ne t'aiment pas à cause du fait que tu aimes l'islam, que tu aimes la sunna. Et donc le serviteur d'Allah est apaisé en cela. Et d'ailleurs, on trouve cela dans les paroles des salafs, on trouve cela dans les paroles des compagnons. Al-jama'a, man kana ala al-haqqi, walau kunta wahdak. Al-jama'a, ce sont ceux qui sont sur la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et donc, sois apaisé, ô cher frère. Le cher Ubayd al-Jabiri, il aborde un sujet très important. On récite tous les jours, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous sur la voie de rectitude. On le récite. Et parfois, on a du mal. Ah, je suis là. Les gens, ils ont du mal. Les gens, ils ne m'aiment pas parce que je fais ma salat. Ou si je suis la sunna, on va me critiquer. C'est difficile. Taïb, sois apaisé, mon frère. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que tu suives la voie de rectitude. C'est ça qui est le plus important. Peu importe le fait que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que celui qui suit la voie de rectitude, il suit la voie de qui? Alladhina an'ama Allahu alayhim. Ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Et qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs? Minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et donc, sois apaisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Uridat alayya al-umam » les communautés m'ont été présentées. « Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu » j'ai vu le prophète qui avait avec lui un nombre de personnes, entre 3 et 9. « Wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan » l'homme qui est avec lui entre 1 et 2 personnes. « Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad » et j'ai vu un prophète qui n'avait avec lui personne. Sois apaisé, mon frère. Sois apaisé. Car le plus important, ce n'est pas que les gens t'aiment, mais c'est que Allah, lui, il t'aime. Voilà la chose la plus importante. Ne cherche pas l'amour des gens, mais cherche l'amour d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, dans ce hadith, il y a aussi un point important. Fayyudahu lahu al-qabul fil ard. Alors l'acceptation lui sera accordée sur terre. C'est-à-dire que les gens vont l'aimer. Mais est-ce que ça veut dire que tous les gens vont l'aimer? Non, ce n'est pas toute la terre qui va l'aimer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute la terre ne l'a pas aimé. Nous, toute la terre va nous aimer. Allah tabaraka wa ta'ala a clairement montré dans son livre que la majorité ne veulent pas la vérité. La majorité. C'est pour cela qu'il dit tabaraka wa ta'ala « Wa in tutia akthara man fil ard yudilluka an sabilillah » et si tu suis la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Et donc la majorité, ils ne veulent pas de la vérité. Il nous dit tabaraka wa ta'ala inna Allah lahu fadlin 'ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun. Allah comble de ses faveurs aux gens, mais cependant la plus grande partie d'entre eux ne remercie pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi dans son livre innahu al-haqqu min rabbik walakin akthara an-nas la yu'minun. Certes, ceci est la vérité qui vient de ton Seigneur. Cependant, la plupart des gens ne croient pas. Et donc, mon frère, concentre-toi sur le fait de chercher la satisfaction d'Allah. Ne cherche pas le fait d'obtenir l'amour des gens. Ne cherche pas le fait d'avoir beaucoup de suiveurs. Aujourd'hui, certains font la course aux suiveurs, celui qui a le plus de suiveurs. Certains nous disent même, je suis sur la vérité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au cours. Alors on va dire quoi pour le pape? On va dire quoi pour le pape? Vous avez déjà vu les rendez-vous du pape au Vatican, le nombre de personnes qu'il y a? Le pape lui-même, il sait qu'il n'est pas sur la vérité. Je vous le dis, hein, le pape lui-même, il sait qu'il n'est pas sur la vérité. Savez-vous qu'est-ce que les catholiques disent de la parole du pape? Ils disent que la parole du pape est canonique. Ça veut dire quoi, canonique? La parole du pape est divine. Vous pensez qu'il ne sait pas que sa parole n'est pas divine? Il sait très bien que sa parole n'est pas divine. Mais pourtant, il a énormément de suiveurs. Et donc, le nombre de suiveurs que tu as ne veut pas dire que tu es sur la vérité ou sur le faux. Il ne faut pas être leurré par cela. Et ensuite, le hadith d'après, barakallahu fikoum, il est très important. Est-ce qu'il y a des œuvres que je n'ai pas citées, qui sont des œuvres aussi qui permettent d'obtenir l'amour d'Allah? Est-ce que vous en avez d'autres encore? Naam. Les orphelins. Naam, les orphelins. Barakallahu fik, le fait de s'occuper des orphelins. Le fait de s'aimer pour Allah. Jazakallahu khairan. Le fait de s'occuper des orphelins, ça rentre encore dans A'mal al-khair. Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait les éloges de tous ceux qui font le bien. Et donc toute bonne action que tu fais est une cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'aime. Ici dans ce hadith, le hadith qui suit, il y a un point très important. Qu'on néglige énormément. An Abi Idris al-Khawlani. Annahu kol. دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براك الثنايا وإذا الناس معه. Selon Abu Idris al-Khawlani, qui dit que je suis rentré dans la mosquée de Damas et il y avait un jeune, donc il est jeune, il n'est pas très âgé par rapport à cette personne qui rapporte. Barak al-Thanaya, il avait les dents blanches. Certains savants, ils nous disent ce qui est voulu ici, il souriait beaucoup. Wa idha an-nasu ma'ahu, et les gens, ils étaient avec lui. Idha ikhtalafu fi shay'in asnadu ilayhi wa sadaru an qawlihi. Lorsqu'ils divergeaient dans quoi que ce soit, ils revenaient vers lui et s'appuyaient sur sa parole. Lorsqu'ils divergeaient en quoi que ce soit, il revenait vers lui et s'appuya sur sa parole. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ou alors excusez-moi, فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ هَذَا مُعَاذِ بْنُ جَبَلٍ. J'ai demandé le concernant, alors on m'a dit que c'est Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, oh chers frères, dans ce petit passage qu'on vient de voir, il y a beaucoup de leçons profitables qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, avant d'aborder la suite du hadith. Et donc, ici, il nous dit que ces gens-là, « Iza akhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru min qawlihi ou an qawlihi. » Lorsqu'ils divergeaient en quoi que ce soit, ils revenaient vers lui, vers qui ? Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici les tabi'in, lorsqu'ils divergeaient en quoi que ce soit, ils revenaient vers les grands. On voit encore quoi? L'importance de revenir vers les grands savants lorsqu'on diverge. On a une divergence entre nous, on a un problème, on revient vers les grands savants. Et qu'est-ce qui se passe? Et il partait en s'appuyant sur sa parole, c'est-à-dire que lui, il jugeait d'entre eux. Et eux étaient satisfaits de ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Le grand savant ne nous a pas donné ce qu'on voulait. Ah, miskin, il a vieilli. Miskin, il comprend pas. Miskin. Subhanallah. Voilà le respect qu'on a pour les gens de science, pour les grands savants. Regardez comment ils étaient, ces gens, à l'époque. Ensuite, ce n'est pas tout. Il nous dit, fasa'altu anhu. Mashallah, j'ai demandé le concernant. Il a vu que tout le monde faisait ça. Tout le monde. Mais il n'a pas dit, je vais faire comme eux. Il n'a pas suivi la mode. Aujourd'hui, on regarde sur Twitter, on regarde sur YouTube, on a une question, on regarde. Ah, ouais, lui, il a répondu à la question, il a une vidéo dessus. Attends, je regarde, il y a combien de personnes qui ont vu sa vidéo? Ah ouais, ah, mashallah, 30 000. C'est que c'est quelqu'un de bien. Allez, allons-y, on prend. Ça se passe comme ça aujourd'hui. On suit le mouvement. Là où les gens vont, on va avec eux. Lui, il n'a pas fait ça. Il a vu que tout le monde se réunissait autour de cette personne. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé le concernant. Il n'est pas allé avant de demander. La base, tu demandes avant d'y aller. Et pas le contraire. Aujourd'hui, les gens font le contraire. Ah, je suis allé au cours d'un tel. Est-ce que je peux continuer? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord, tu demandes. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Fais attention, combien sont partis avec Daesh à cause de ça? Parce que les gens, ils ne comprennent qu'avec l'exemple de Daesh. Un tel a fréquenté une personne, allez hop, il est parti. Faut faire attention. Ne fréquente pas n'importe qui, n'assiste pas au cours de n'importe qui. Il se peut que tu dévies. Demande avant, c'est qui? Shkounou. C'est important de demander. Tarek, qu'est-ce qu'il se passe après? On lui a dit que c'est Mu'adh ibn Jabal, un compagnon. Qu'est-ce qu'il a fait? Mashallah. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ هَجَّرْتُ. Le lendemain, je suis allé très tôt à la mosquée. Il a saisi l'occasion. Il a eu l'occasion de rencontrer un savant, l'occasion de rencontrer les gens de science. Il a saisi l'occasion à pleines dents. Il ne l'a pas lâché. Parfois, on a des personnes, subhanallah, qui vont être acceptées à l'université de Médine. Combien ont fait la demande? Combien ont été refusés? Celui-là, il a été accepté, il est à Médine. Il ne va pas voir les ulama. Il ne va pas les voir. Il ne va pas assister aux cours. Il ne va pas demander. Il est là à Médine. Mais il ne va pas voir les savants. Lui, il a saisi l'occasion. Je suis allé tôt. فَوَجَدْتُهُ سَبَقَنِ فِي التَّهْجِيرِ. Alors je l'ai trouvé, il m'a précédé, il est venu plus tôt. Il a trouvé Mouad ibn Jabal qui était à la mosquée, il est venu plus tôt que lui. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. Et je l'ai trouvé, il était en train de prier. فَانْتَذَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. Alors je l'ai attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ. Alors ensuite, je suis venu à lui, mais donc en face de lui. Ça c'est important, ça c'est une précision qui est très importante les frères. Pourquoi? Parce que parfois tu es en train de prier, il y en a qui attendent que tu as fini de prier. Et lorsque tu finis de prier, assalamu alaik, il vient, il te touche et tu sursautes. Ne fais pas peur à ton frère, c'est interdit. Fais en sorte qu'il te voit arriver. Tu sais très bien qu'il est en train de prier, il est dos à toi, il ne te voit pas arriver. Fais en sorte qu'il te voit arriver, il n'est pas surpris, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis venu à lui, face à lui, qu'il me voit arriver. فَكُلْتُ لَهُ. Alors je lui ai dit, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. Alors je lui ai passé le salam. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ. Ensuite je lui ai dit, par Allah, je t'aime en Allah. Je t'aime en Allah. Cette chose qu'on a du mal à dire. Aujourd'hui, en France, avec l'éducation qu'on nous donne, les gens nous font croire qu'un homme, s'il dit à un autre homme « je t'aime », il sera forcément associé à un groupe de personnes que je préfère ne pas citer. Alors que non, tu aimes ton frère en Allah, on s'aime en Allah, c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors lorsqu'il a entendu ça, Mouad, il lui a dit « Allah ?» Par Allah ? L'autre lui a répondu « Allah ! » Par Allah, oui je t'aime par Allah. Allah, encore une fois. Il lui a répondu, Allah. Et encore une troisième fois encore. Alors là, Mouad. Alors là, il dit, فَأَخَذَ بِرِدَائِي ou alors بِحُوَّةِ رِدَائِي. Alors il m'a saisi par le vêtement. فَجَبَذَنِ إِلَيْهِ. Et il m'a tiré vers lui. ثُمَّ قَالَ أَبْشِرْ. Et ensuite, il lui a dit, je t'annonce la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Cet acte qu'on néglige. Le fait de s'aimer mutuellement, le fait de le dire à nos frères qu'on s'aime mutuellement, hein? On est gêné de le dire à nos frères. Dans Sunan Abi Daoud, selon Anas radiallahu an, anna rajulan kana 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fa marra bihi rajulun fa qala ya rasulallah inni la uhibbu hadha. Alors, donc selon Anas, qu'un homme était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre est passé. Alors le prophète il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, certes j'aime celui-ci. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, a'lam tahu. Est-ce que tu lui as informé de cela que tu l'aimes? Il a dit là, non je ne l'ai pas fait. Fadhahabtu. Alors je suis allé. Fakultu lahu inni uhibbuka lillah. Alors je lui ai dit, certes, je t'aime en Allah. Lorsqu'il lui a répondu quoi? Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu. Qu'Allah, celui pour qui tu m'as aimé, t'aime. Il a invoqué pour qu'Allah l'aime aussi. Et donc, on ne doit pas être gêné de dire à nos frères, je t'aime. Et surtout que ça, c'est le réel amour. L'amour qui n'est pas coupé par la distance. Comme on a vu précédemment, Al-Mutahabbin. Ceux qui s'aiment en Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe la distance, ijtama'a fi wa iftaraqa fi, ils se sont réunis pour ma cause et se sont séparés pour ma cause. Peu importe la distance. Les Européens, ils ont un dicton, loin des yeux, loin du cœur. On n'a pas ça, nous. Parce que nous, c'est le réel amour. Tu es sur la sunna, tu aimes Allah, je t'aime. Tu aimes la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je t'aime. Tant que tu restes sur la vérité, tant que tu adoptes la piété, on t'aime. Peu importe où tu es. On a nos frères qu'on a rencontrés il y a des années, qui sont encore en Arabie. Hein? Mon frère Abdel Latif, qui vient du Kazakhstan. Un frère qui aime la sunna, jazahullahu khairan. Je l'aime. Pourtant, ça fait bientôt 5 ans que je ne l'ai pas vu. Ou 4 ans que je ne l'ai pas vu. Peu importe. Je suis en Martinique. J'habite en Martinique. Mes frères de la banlieue parisienne qui aiment la sunna, je les aime. Mes frères de Villeroux qui aiment la sunna, je les aime. Mes frères de Mulhouse qui aiment la sunna, je les aime. Mes frères de Belgique qui aiment la sunna, je les aime. Mes frères d'ailleurs, on s'aime. Peu importe la distance. Et c'est ça l'islam. Un amour qui perdure avec la sunna. Et cet amour, qu'est-ce qu'il va causer? Regardez la suite du hadith. Écoutez ce qu'il nous dit. Alors il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Certes, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ. Mon amour est obligatoire. Mon amour est obligatoire pour ceux qui s'aiment en moi, en ma cause. Pour ceux qui vont se fréquenter en ma cause, pour ceux qui vont se visiter en ma cause, pour ceux qui vont donner dans ma cause. Tu vas donner aux gens de ton temps, de tes biens, de ton argent, de ton énergie, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Wajabat mahabbati. Mon amour est obligatoire, il dit, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il n'y a nul doute, ô chers frères, que le fait de s'aimer en Allah fait partie des causes qui entraîne l'amour d'Allah. On ne doit pas négliger ce point. On ne doit pas négliger ce point. Et c'est ici qu'on voit un élément très important. Barakallahu fikoum. La gravité de ce que font certaines personnes. Lorsqu'ils vont tout faire pour casser cet amour qu'il y a entre les gens de la sunna. Ils vont casser cet amour qu'il y a entre des gens. Des gens qui s'aimaient, ils étaient sur la sunna. Il va y avoir ensuite entre eux de l'animosité. À cause d'une personne qui fait rentrer dans leur rang des déviances, de la haine, de l'animosité, des mensonges. Et ça nous montre la gravité de ces agissements. Et pourquoi les savants, ils rejettent cela avec fermeté? Parce que ça, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. C'est un sujet important, un sujet d'amour en Allah, tabaraka wa ta'ala, un sujet à ne pas négliger. Et ensuite, le dernier hadith de ce chapitre, عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسين وعشرين جزءا من النبوة. Selon Malik, qui lui est parvenu, que Ibn Abbas رضي الله عنهما disait que القصد, c'est-à-dire le juste milieu. Le juste milieu dans tes dépenses. Le juste milieu dans tes agissements. La takun min ahlil ghulou. Ne fais pas partie des exagérateurs. Halak al-mutanatti'un, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les exagérateurs sont dans la perdition. Il l'a répété 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'exagération dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas exagérer dans nos comportements, dans nos paroles. Nous devons adopter le juste milieu. Et donc, el qasdu wa tu'ada. Et tu'ada, c'est huwa ta'anni. Et ta'anni, donc, le fait de ne pas agir avec précipitation. Le fait de prendre son temps pour faire les choses. De bien réfléchir avant de faire les choses. Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa al-khalqa. Allah tabaraka wa ta'ala, il a tout créé en 6 jours. أليس الله تبارك وتعالى قادرا على أن يخلق ذلك في أقل من ذلك؟ نعم بلى. Et donc, n'est-ce pas que Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable, il a la capacité et le pouvoir de créer tout cela en moins de 6 jours? Bien sûr qu'il en a la capacité. Les savants nous disent, comme le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, « Inna Allah tabaraka wa ta'ala yu'allimu ibadahu ta'anni fil umur. » Allah tabaraka wa ta'ala, il enseigne, il montre à ses serviteurs le fait de faire les choses sans précipitation. Sans précipitation. Parfois, on se précipite trop. Surtout nous, les jeunes. On réagit tout de suite. Doucement. Et dans le sujet du divorce, je ne parlerai même pas. Combien ont divorcé avec précipitation, sans réfléchir? Subhanallah. Parfois, arriver jusqu'à 3 divorces et ensuite regretter pleinement à cause de la précipitation. Et donc, elle cause d'où? Wa tu'ada wa husnu samt. Husnu samt, c'est-à-dire le fait de suivre la bonne voie. Le fait de suivre la voie des pieux, ceux qui nous ont précédés. Et donc, tout cela qui a été cité ici, juz'un min khamsina wa ishrina juz'an min al-nubuwa. Tous ces éléments, ce qui est voulu ici, أن هذه الأوصاف هي من الأوصاف التي جاء بها النبيون. Ces caractères qui ont été cités font partie des caractères avec lesquels sont venus les prophètes. فعلينا أن نتبعهم في ذلك. Alors nous devons les suivre dans cela. Nous devons les suivre dans cela. طيب, mais pourquoi ce athar? Ici, je ne vais pas parler donc de l'authenticité. Puisque ici, la chaîne de transmission qu'a cité l'imam Malik, elle est problématique. Selon Malik, qui dit, donc il lui a été rapporté selon Ibn Abbas. L'imam Malik n'a pas rencontré Ibn Abbas. Par contre, le hadith, il a été cité donc de manière authentique dans le recueil de Abu Daoud. Mais cette fois-ci, marfoua, attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un sens très proche de ce qui a été cité ici. Mais ici, on est dans le chapitre, Bebu, Medje'e, Fi. Al-mutahabbina fillah. Le chapitre qui cite ce qui a été donc qui rapporte ce qui a été cité concernant ceux qui s'aiment en Allah. Il est où le lien entre le chapitre et ceci? Faqad ra'ayna ahammiyata hadha al-mawdu'. On a vu l'importance de ce sujet. Wa ra'ayna anna mahabbata Allah tabaraka wa ta'ala tunalu bi asbab. Nous avons vu que l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala peut s'obtenir par des causes. Wa ra'ayna anna at-tawadda fillah min asbab mahabbatillah. Nous avons vu que l'amour en Allah fait partie des causes qui entraînent l'amour d'Allah. Fa'alina an nuhafidha ala hadhihi al-mahabbati allati baynana. Alors nous devons préserver cet amour qu'il y a entre nous. Nous devons préserver cet amour qu'il y a entre nous. Dans ton comportement avec tes frères, tu dois adopter le juste milieu. N'exagère pas. Et ne sois pas laxiste envers tes frères. إذن علينا أيها الإخوة أن نعتني بالأسباب التي تحافظ هذه على هذه الأخوة وهذه المحبة التي بيننا. Et donc, au chef, nous devons faire attention aux causes qui vont préserver cette fraternité et cet amour qu'il y a entre nous. Et c'est pour cela qu'il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la tabaradou. Ce qui est voulu ici, ce n'est pas ne vous détestez pas. Ce n'est pas ça qui est voulu. Walakin la takoumu bi esbeb il esbeb. Allati tu'addi ila al-barda ibeynakum. C'est-à-dire, ne faites pas les causes qui vont entraîner la haine entre vous. Et donc, il est important qu'on comprenne cela et qu'on apprenne à patienter les uns sur les autres. Car la législation nous montre clairement que nous faisons tous des péchés et personne ne peut se lever et dire « Moi, je n'en fais pas. » Et donc, si tu es pécheur comme tes frères, alors patiente sur eux et fais les causes pour préserver cet amour qu'il y a entre toi et tes frères. En adoptant le juste milieu, sans exagération, en suivant la voie droite, la voie de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux, les prophètes, les véridiques. Et donc nous devons suivre la voie de ces gens-là, ceux qui se pardonnaient facilement. Et donc il est important de préserver, barakallahu fikoum, l'amour qu'il y a entre nous. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est al-jannah, tout simplement. L'objectif, c'est le paradis qu'on veut. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de bien comprendre ce sujet et surtout de l'appliquer. De l'appliquer. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Qu'Allah vous préserve les frères et nous accorde à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.